Bonjour et bienvenue dans Chouette, un podcast qui souffle sa première bougie et qui est déjà à l'aube de sa deuxième saison. Alors il est temps pour moi de vous adresser quelques vœux. Tout d'abord, j'espère que dans cet immense océan d'ondes, vous ferez de belles découvertes musicales parce que ça n'a pas de prix. J'espère aussi que ce podcast amènera à bon port, vers vos oreilles, des sons que vous n'entendrez pas forcément ailleurs. La chouette est frais, mais surtout curieuse des mélodies tapies dans l'ombre. Et comme l'année dernière, le premier épisode parlait de pépites psychées d'Australie, j'ai voulu faire pareil aujourd'hui, mais en faisant un petit saut dans le Pacifique, jusqu'en Nouvelle-Zélande. Qui sait, à ce rythme-là, on atteindra peut-être Los Angeles dans quelques années, si le vent est bon. Alors voilà le projet, vous faire part de 4 groupes néo-zélandais qui m'ont tapé dans l'œil au cours de mes vols de reconnaissance sur les internets. Mais attention, ce sont des groupes avec une actualité bouillante. Tout ce que vous allez entendre dans cet épisode est sorti cette année. Du coup, où en est le psyché en Nouvelle-Zélande en cette belle année 2020? Exploratrices et explorateurs de la musique, attachez vos ceintures et préparez-vous au décollage. Tout d'abord, je voulais vous parler d'un groupe qui nous vient de Dunedin, au sud de la Nouvelle-Zélande. Un groupe sur lequel je n'ai pratiquement rien trouvé sur Internet. Leur site est inactif et leur Facebook ne poste pas grand-chose de plus que leur sortie. Ce groupe s'appelle The Fooking. Alors bravo pour le double jeu de mots avec l'inverse de Kung Fu et le F-word. Mais pour le référencement, je dois avouer qu'on a fait mieux. Hein. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est très important pour qu'un groupe se fasse connaître. Et dans le cas présent, c'est extrêmement dommage que les Fooking ne soient pas plus connus. Leur premier album, From the Tide, est une petite perle, croyez-moi, de rock gras et psyché. Jugez par vous-même. Voilà, encore une fois, c'était The Foo King avec le titre King Tide, à découvrir d'urgence sur leur Bandcamp, où leur album est en prix libre. Eh oui, alors pourquoi s'en priver? Passons maintenant à une musique plus légère, venant des plages et des vagues qui la giflent jour après jour, marée après marée. C'est plus précisément des plages d'Auckland que nous vient le premier album de Joe Gatt, un musicien qui est inspiré par ce que lui rapporte l'océan, des échos des 60s, de la surf music à des classiques comme The Seeds. Il est évident aussi que Joe Gatt a écouté les Australiens de The Babe Rainbow, et ce n'est pas pour me déplaire. Alors j'ai un peu triché avec son album Banana Sludge, qui est sorti en 2019, mais il est réédité cette année avec deux titres inédits, qu'on s'écoute tout de suite. Pushing fit by curious. Voilà, c'était les titres The Run, suivi de New Skin, de Jogat, sur l'album Banana Sludge, un disque d'ailleurs que vous pouvez acheter en vinyle chez l'incroyable label français 6 tonnes de chair Records, si ça vous intéresse. Et pour passer du coq à l'âne, je vous propose maintenant d'écouter un autre vrai coup de cœur néo-zélandais. C'est un duo de sci-fi psych-rock. Ça peut paraître déroutant dit comme ça, mais l'aspect science-fiction apparaît vraiment à l'écoute. Le groupe s'appelle Ripship, on peut les voir jouer en combinaison de la NASA, et c'est évident que leur musique fait partir comme une fusée. Le dernier confinement leur a permis de mixer et masteriser leur EP, sorti début mai. Sur la pochette, on peut voir un amoncellement de satellites disloqués et de projecteurs de scène en morceaux, un chaos flottant dans ce qui doit être le vide spatial. Et ce disque tourne en boucle dans mes oreilles depuis que je l'ai découvert. Et comme ici c'est moi le tenancier et que j'ai vraiment envie de partager ce groupe, on va s'écouter deux petits morceaux à la suite, comme pour Jogat, un premier assez planant qui s'intitule Plume on Europa, et un second bien plus entraînant, Loop the Cube. Cheers! friction burn. I need a faster turn. A sharp increase in speed is what we really need. There's one thing we can do. Loop the cube! Si avec ces deux titres de Ripship, on se croyait dans un vaisseau à la dérive, alors avec ce qui arrive, il y a de grandes chances qu'on se croie dans le fin fond du fond d'issue cosmologique. C'est dur à dire. Laissez-moi vous parler du cultissime Lamp of the Universe. Lamp of the Universe est le projet solo du bassiste et chanteur Craig Williamson, qui jouait à l'époque dans un groupe de stoner appelé Datura. Alors c'est un formidable mélange moderne de folk psych raga avec des éléments de rock spatiaux. Pour moi, c'est presque un voyage effrayant dans les vibrations orientales. Lamp of the Universe a évidemment une discographie immense. De nombreux albums ont été enregistrés, notamment le très recommandé Echo in Light, un de mes préférés The Cosmic Union, et l'album Heru, H-E-R-U, qui a un aspect plus méditatif. Ce que vous allez entendre est un rock folk psychédélique avec de la fumée d'encens tourbillonnant dans l'air et une atmosphère spirituelle profonde. La musique est faite pour être un voyage méditatif et ça s'écoute les yeux fermés et peut-être que vous arriverez à voir les paysages néo-zélandais. Et ce dernier album de Lamp of the Universe, Date Shrine, est selon moi un des meilleurs que le groupe a pu créer. Et c'est très étonnant que cet album soit encore de qualité, puisque Lamp of the Universe s'est formé en 1999, et Dead Shrine est leur 15e album. Alors voilà, sans trêve de bavardage, je vais vous laisser sur le titre Beams of Ra, et vous dire déjà à la prochaine pour d'autres chouettes aventures. J'espère que ce mini-épisode vous aura plu, et je vous souhaite à tous une bonne rentrée.